Une torture du pistolet en calais dans ton enfant. La flèche, la flèche, c'est ton année. La flèche, la flèche, c'est ta nature. La flèche, la flèche, c'est ton année. La flèche, la flèche, c'est ta nature. Ta mère va tomber dans l'usine. Quand ta mère la mienne, t'es anisé. Tu as 17 ans, et dans un an tu aurais la voiture, et y'a pas papa et maman. La flèche, la flèche, c'est ton année. La flèche, la flèche, c'est ta nature. À discuter avec ce qui tourmente toute la société. Tu n'as pas besoin de travailler, ton avenir est déjà assuré. La flèche, la flèche, c'est ton année. La flèche, la flèche, c'est ta nature. La flèche, la flèche, c'est ton année. La flèche, la flèche, c'est ta nature. Let's go.